Bonjour, je voudrais essayer cette jupe, s'il vous plaît. En bleu ou en rouge ? En rouge. Quelle taille il vous faut ? Du 40. Ça va bien ? Non, elle est trop petite. Je peux avoir la taille du dessus ? Bien sûr. Tenez. Merci. Elle va bien ? Oui, oui, celle-ci est parfaite. Très bien. Il vous faut autre chose ? Oui, je voudrais un t-shirt qui va avec. Vous avez celui-là en 40 ? Ah, désolée, on n'en a plus en blanc. On l'a en 44, mais ce sera trop grand pour vous. Mais on l'a en noir ou en gris. Ah, je vais l'essayer en gris. Je ne l'aime pas en noir. Non, il ne me va pas. Merci, je prends seulement la jupe. Je vous laisse passer en caisse. Merci, mademoiselle. Au revoir.